parti pour le bout du monde. Les doigts pleins de pouces, mais le cœur saute large. T'as vite compris que la terre est ronde, que les humains sont comme des voyages. Les gros dehors, tout petits en dedans, les doux souvent plus forts que les forts. Y'a tellement de vendeurs de vin, qui a raison et qui a tort. Plus t'en apprends, et moins tu comprends. À quoi ça sert de t'en rêver? Vu qu'on avance en reculant, sais-tu où ça va s'arrêter? Tout le monde est sûr d'avoir raison pour régler les problèmes des autres. Mais quand tu vas dans leur maison, tu leur donnerais chacune chez autre. Tu reviens vite te cacher chez vous, puis tu débranches le téléphone. Tu sais que c'est plein fou, tout partout, t'es pas tout seul qui déraisonne. Plus t'en apprends, et moins tu comprends. À quoi ça sert de t'en rêver? Vu qu'on avance en reculant, sais-tu où ça va s'arrêter? Au nom du père, au nom du fric, le bonheur se vend à crédit. Quand y'en a plus, c'est la panique, et s'éparpillent les faux amis. Oui, monsieur. Pour en avoir, y'en a qui tuent, qui exterminent sans pitié, qui mentent, volent, pillent et polluent, en massacrant des libertés. Plus t'en apprends, et moins tu comprends. À quoi ça sert de t'en rêver? Vu qu'on avance en reculant, sais-tu où ça va s'arrêter? Les petits bonhommes habillés pareils, dans toutes les teintes de kaki, se vendent eux aussi pour une paye. Ils obéissent puis oublient. Y'a tellement de machines à tuer, qu'on se demande où s'en va la vie. La boule, c'est l'enfer déguisé, fabriqué aux États-Unis. Plus t'en apprends, et moins tu comprends. À quoi ça sert de t'en rêver? Vu qu'on avance en reculant, sais-tu où ça va s'arrêter? Puis y'a ceux qui attendent le Messie, en avançant comme des myopes. Pour le voir, ils donneraient leur vie, mais c'est peut-être lui qui fait du stop. T'es parti pour le bout du monde, c'est le soleil puis les orages. Tu voudrais que la vie